Et pour moi, le bruit de Renault, la camionnette, le bruit de mes machines, non, pas spécialement. Peut-être quelqu'un d'autre, il aurait, donnerait d'autres impressions. Il n'y a pas de bruit particulier. Avant, il y avait les usines. Les usines, c'était une animation, les camions qui venaient. Une vociférère, ils parlaient. Des gens s'appelaient dans la rue. Ici, personne ne s'appelle dans la rue. Ici, les gens courent. Ils ont un but quelque part. Et à part le moment de l'entrée et la sortie des tournus, il y a un silence absolu. Il y a un silence. Le bruit était à l'intérieur.